Alors là, évidemment, je parlerai pas de Damien Robert. Je lui ai été tué dans les circonstances que vous savez. Mais pour les autres, parce que ça semble être fréquent selon les agents de sécurité, là, la vie dans ce bloc-là d'HLM, là, je parle pas de préjugés. Si on regarde les images, là, bière et pute. C'est pour ça qu'on paye des chèques de BS. Bière et pute. Préjugés, butch, on va porter plainte. Non, non, c'est les images, là. Sur les images et le témoignage sous serment d'un agent de sécurité. Régulièrement, on voit des putes dans l'immeuble, on essaye de les contrôler. En autant que les locataires s'en occupent, on les laisse circuler. Puis de la bière partout, là. C'est ça qu'ils ont trouvé, là. C'est pas que c'est de même dans toi, chambre, partout, si tu cognes du bloc. Mais selon les agents, ce n'était pas un phénomène isolé. Le procès se poursuit aujourd'hui, Geneviève? Oui, ça reprend à l'instant ce matin. C'est le témoignage d'un biologiste judiciaire et expert en projection de sang qui va donc venir présenter ses conclusions. Hier, on a un neuropathologiste qui nous a expliqué dans quelles circonstances Damien Roberge est décédé. Là, on parle d'une dizaine de coups d'un objet contondant, une patte de table à la tête. Surtout également, son corps présentait 17 plaies dues à un couteau ou à des couteaux sur le thorax. Surtout 8 plaies ont touché le poumon gauche et ça a causé une hémorragie. Geneviève Laurier, merci beaucoup. Merci, bye-bye. Salut, 9h08. Bière et pute. Au menu. Des coupons. Ça vous tente pas des coupons? Ils en veulent pas de coupons. Non, butch, on veut du cash. On veut pas des coupons. On te donne des coupons. Pourquoi t'as... Qu'est-ce que tu fais avec ton chèque de BS? De la bouffe et des vêtements. Bon, ben tiens, coupon de bouffe, coupon de vêtements. Non! C'est quoi tu veux t'acheter avec ça, là? Je te donne des coupons, là, échangeables contre la bouffe et des vêtements, puis un peu de médicaments, puis un petit, je sais pas, divertissement, il y en a un qu'on pourrait mettre, là, de temps en temps. Là, c'est correct, là, je veux pas... Des préjugés, c'est faux que les gens, ils s'achètent de la bière, puis des putes, t'avais pas, ben c'est ça, aller au tribunal, puis contester ça, là. Les agents de sécurité les voyaient circuler allègrement. Ben, comment tu fais en passant de te payer des putes puis de la bière avec ton chèque de BS si tu travailles pas au noir ou t'as pas une petite source de revenus cachée? Ça pas, là. Je vais pas parler du code Damien Roberge, là. Lui, là, regarde, il est plus là. Pis... Mais les autres, là, qui consommaient ça, là. Ben, ça marche. Ça coûte cher, une pute. Ben, c'est ça, je me dis, j'essaie de calculer, là. Regarde, selon les infos qu'on a, là, c'est une centaine de piastres, au moins. Pas mal ça, tout le temps. Il doit y avoir des calibres, là-dedans, aussi, là. Ouais. Peut-être plus, peut-être moins. Je suis pas au courant. Mais, regarde, de la bière, une 15 à 24, pis une pute. C'est un chèque de... Et pourtant, les BS, ces temps-ci, là, tu sais, la ministre Maltais veut un petit peu le Saint-Ravis. Ils disent que s'il lui manque 30 piastres par mois, ils vont mourir. Ils sont capables de se payer des putes pis de la bière. 9h09.